oui, je me défaisais sans utiliser les paluches. Mes accessoires sont cachés dans le calbut. Oh, bien joué, oh body body. Ça va pas être joli, joli. J'espère que t'es bien assuré. Garantis pas que tu pourras remarcher. N'oublie pas d'inviter tes copines, d'acheter un bon litre de vaseline. Au fait, y'aura une caméra, des gens qui font un reportage sur moi. Mon avenir des hucs à perte de vue, et je m'apprête à m'injecter dessus. Salut, je suis Lord Cossity, et c'est pas la reine qui m'a anobli. Non, j'ai pas con le pouvoir d'adouber, à condition que t'aies un corps bien moulé, que tu aies un corps bien huilé. Lord Cossity va s'agiter.